Examen 5. Compréhension de l'oral. Exercice 2. Bonjour, c'est un message pour Monsieur Duclos. Ici le magasin CD Prix Choc. Je vous appelle au sujet de votre lecteur DVD. Nous avons fini la réparation et la facture est de 45 euros. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts toute la journée, de 9h à 21h, tous les jours sauf le dimanche. À bientôt.